the fight. Don't tell me what's wrong or right. Just the sight that just turned us in. Après mon quatrième verre de vodka, j'ai commencé à me sentir assez mal et j'ai dû aller m'étendre sur un tas de coussins derrière le canapé. Peu après, deux filles sont venues s'asseoir sur ce même canapé. Ce sont deux filles pas belles du tout, les deux boudins du service en fait. Elles vont manger ensemble et elles lisent des bouquins sur le développement du langage chez l'enfant, tout ce genre de trucs. Society, you got to play by your own set of rules. Fuck the law, fuck the law, fuck the law. Burn the fuse. Mr. Pigman, you are nothing. Nothing concealed behind your back. Upon the way to your foreign society. Fuck authority, kill the president of seniority. Fuck authority, let's murder in society. Little pig man behind judge's robe. Can't wait to see you die. You piece of puppet property shit. You're nothing but a lie so full of shit. If you live nothing, you are nothing. It's all by the stagnating masses. I say it's time to say fuck the law, kill, kill, kill, kill their motherfucking asses. Fuck authority, kill the president and seniority. Fuck authority, let's murder in society. Cause when I fall, because when I fall hard. Going down with everything, going down with everything that I am. We'll be right back. Aussitôt, elles se sont mises à commenter les nouvelles du jour, à savoir qu'une fille du service était venue au boulot avec une mini-jupe vachement mini au ras des fesses. Et qu'est-ce qu'elles en pensaient ? Elles trouvaient ça très bien. Leur silhouette se détachait en ombre chinoise, bizarrement agrandie sur le mur au-dessus de moi. Leur voix me paraissait venir de très haut, un peu comme le Saint-Esprit. En fait, je n'allais pas bien du tout, c'est clair. Yeah. believe inside the lie is relief. Don't question this routine. Pacify your inner heart. Don't test the boundaries of what I tell. We'll be right back. Pendant 15 minutes, elles ont continué à aligner les platitudes et qu'elle avait bien le droit de s'habiller comme elle voulait et que ça n'avait rien à voir avec le désir de séduire les mecs et que c'était juste pour se sentir bien dans sa peau, pour se plaire à elle-même, etc. Les ultimes résidus consternants de la chute du féminisme. À un moment donné, j'ai même prononcé ces mots à voix haute. Les ultimes résidus consternants de la chute du féminisme. Mais elles ne m'ont pas entendu. Moi aussi, j'avais bien remarqué cette fille. Difficile de ne pas la voir. D'ailleurs, même le chef de service était en érection. Dude! configurations. I'm just a receiver, divine recombinations. I'm just a recordist, receptionist, unhappy medium. Receptionist, unhappy medium. Excellent accommodations. I'm just a bellboy, beautiful surroundings. I'm just some gravel or peat moss. What have you? Or peat moss. What have you now? Why must you treat me like you do? Don't you know it's all for you? Dear infatuation, you do not see me. Die here beside you and see through obscurity. Governess, fancy less, we'll sound the alarm. Drum up some simpleton for you to eat these apples from your eyes. Emptiness fills room. Just a ledger, hardly worth a mention, or the paper is written on and cried upon and kissed once by wax. But still you treat me like you do with everything I've done for you. Like a bird of prey along your notepad now. The only ear that turns your way, my dear diary. It's just you and me tonight. You don't love me. Je me suis endormi avant la fin de la discussion, mais j'ai fait un rêve pénible. Les deux boudins se tenaient bras dessus, bras dessous dans le couloir qui traverse le service, et elles levaient haut la jambe en chantant à tue-tête. Si je me promène cul nu, c'est pas pour vous séduire, si je montre mes jambes poilues, c'est pour me faire plaisir. Changes are living, mine is too long. certain love seems like I'm gonna lots of people will get no justice tonight. I can't crawl away, man. cause I got those sets back. That I had to invest in my man. That I ought to tighten these rods, man. That I ought to clean myself up, man. That I ought to do the things right, man. That I ought to do what I ought to do, man. There is a denouement that follows every climax, man. And still there are the box tops, man. And still I got to save. For if it weren't for those little things, there'd be nothing for you and me, man. And we just stare at each other, man. I surely would be bored, man. So it's 1, 2, 3. There's something to do. And it's 4, 5, 6. It's something to do, man. 7, 8, 9, it's something to do. 10, 11, say talking all the time, right? La fille à la mini-jupe était dans l'embrasure d'une porte, mais cette fois elle était vêtue d'une longue robe noire, mystérieuse et sobre. Elle les regardait en souriant. Sur ses épaules était perché un perroquet gigantesque qui représentait le chef de service. De temps en temps, elle lui caressait les plumes du ventre d'une main négligente mais experte. 1, 2, 3. He likes the pistols, he likes the remote. He spits on the Beatles and the Rolling Stones. He cuts his throat when he has a swallow. Could it be the razor blade hanging off his collar? Our Pussycat is a punk rocker. Our Pussycat is a punk rocker. Our Pussycat is a punk rocker. Meow. My name's Uriah. En me réveillant, je me suis rendu compte que j'avais vomi sur la moquette. La soirée touchait à sa fin. J'ai dissimulé les vomissures sous un tas de coussins, puis je me suis relevé pour essayer de rentrer chez moi. Alors, je me suis aperçu que j'avais perdu mes clés de voiture. Stand. stands to the radio. Dance to the radio. Dance to the radio. Dance to the radio. Oh, I was all out when the going gets tough. Things you've learned are no longer enough. Well, now it's the sound, it's all we need to know. To synchronize love to the beat of the show. And we could dance. Dance, dance, dance, dance, dance to the radio. Dance, dance, dance, dance, dance to the radio. Thank you. Le surlendemain était un dimanche. Je suis retourné dans le quartier, mais ma voiture est restée introuvable. En fait, je ne me souvenais plus où je l'avais garée. Toutes les rues me paraissaient convenir aussi bien. La rue Marcel Samba, Marcel Dassault, beaucoup de Marcel. Des immeubles rectangulaires où vivent les gens. Violente impression d'identité. Mais où était ma voiture ? Just confronts and then dies. Don't walk away. Thank you. déambulant entre ces Marcelles, je fus progressivement envahi par une certaine lassitude à l'égard des voitures et des choses de ce monde. Depuis son achat, ma Peugeot 104 ne m'avait causé que des tracas. Réparations multiples et peu compréhensibles, accrochages légers. Bien sûr, les conducteurs adverses feignent la décontraction, sortent leur formulaire de constat amiable, disent « ok, d'accord », mais au fond, ils vous jettent des regards pleins de haine. C'est très déplaisant. Hard and ambitions are low and resentment. called Malice. Et puis, si l'on voulait bien y réfléchir, j'allais au travail en métro. Je ne partais plus guère en week-end, faute de destination vraisemblable. Pour mes vacances, j'optais le plus souvent pour la formule du voyage organisé, parfois pour celle du séjour club. À quoi bon cette voiture, me répétais-je avec impatience en enfilant la rue Émile Landrin. covered, I'm half asleep, having a frenzy. Once I try to smile enough for two, pictures remain, spit at the image. Cupboards were stuck, things to diminish. Pain that comes with clarity and mere dwelling rooms. She checks in dwindling daylight, a week up front. That's not to be bothered. The registry will show her mother's name. Locks the door, sits on the bed just a minute before she picks her purse up from the floor. She's pulling out what she needs, warming her wrist, promising water. Somebody's love, another one's daughter. Readies herself, apologizing to the motel maid. Double-edged and super blue, vertically letting the light from you, casting got more, I got no need. I got nothing I could be. I got things that you should see. I went riding all around, let the past soak up the sound, tried to picture it going down. Come on away from me, is it done? Come on away from me, is it done? Come on away from me, is it done? Come on, wait for me. Is it done? Felt to pull, I pulled away. We got nothing that I say. Still I feel it's not this way. Waiting, nothing's going down. Can't seem to get it off the ground. Seeing if I come around. Come on away from me, is it done? Come on away from me, is it done? Come on away from me, is it done? Come on away from me, is it done? Or is it you? Ce n'est qu'en débouchant dans l'avenue Ferdinand Buisson que l'idée me vint d'établir une déclaration de vol. Beaucoup de voitures sont volées de nos jours, surtout en proche banlieue. L'anecdote serait aisément comprise et admise, aussi bien par la compagnie d'assurance que par mes collègues de bureau. Comment, en effet, avouer que j'avais perdu ma voiture ? Je passerais aussitôt pour un plaisantin, voire un anormal ou un guignol. C'était très imprudent. La plaisanterie n'est guère de mise sur de tels sujets. C'est là que les réputations se forment, que les amitiés se font ou se défont. Je connais la vie, j'ai l'habitude. Avouer qu'on a perdu sa voiture, c'est pratiquement se rayer du corps social. Décidément, argon du vol. Take some.